6. L'apprentissage. L'imprimerie de M. Parangon à Auxerre se trouvait près du couvent des Cordeliers. Les presses étaient au rez-de-chaussée, les casses dans une grande salle au-dessus. Les premières fonctions qui furent confiées à Nicolas n'avaient rien d'attrayant. Il s'agissait principalement de ramasser dans les balayures les caractères tombés sous les pieds des compagnons, de les recomposer ensuite, puis de les recaser. Il fallait aussi faire les commissions de 32 ouvriers, puiser de l'eau pour eux et subir toutes leurs fantaisies grossières. L'amoureux de la belle Jeannette Rousseau, l'élève des jansénistes, acceptait ces humiliations avec peine. Cependant, son intelligence, son goût pour le travail et surtout la connaissance qu'il avait du latin ne tardèrent pas à le faire respecter des compositeurs. Il y avait quelques livres dans le cabinet du patron. Nicolas, qui les jours de fête préférait la lecture aux parties de plaisir de ses camarades, se prit d'une grande admiration pour les romans de Madame de Villedieu. La facilité avec laquelle les amants s'écrivent dans ces sortes de compositions lui fit trouver tout naturel d'écrire une lettre d'amour à Jeannette en vers octosyllabiques. Seulement, par un oubli incroyable des précautions à prendre en pareille circonstance, il se borna à jeter la lettre à la poste, de sorte qu'elle tomba sous les yeux des parents, puis fut envoyée au presbytère où le curé, l'abbé Thomas et la sœur Pilon jetèrent des cris d'indignation. On s'applaudit d'autant plus dans la famille d'avoir éloigné du pays un si dangereux séducteur, et l'impossibilité de retourner à Courgis après cet esclandre désola profondément le jeune amoureux. Tout à coup, une apparition imprévue vint entièrement changer le cours de ses idées et prendre sur sa vie une influence qui changea toute la destinée. Madame Parangon, la femme du patron, que Nicolas n'avait pas vue encore, revint d'un voyage de plusieurs semaines qu'elle avait fait à Paris. Voici le portrait que traçait d'elle plus tard l'écrivain parvenu à l'apogée de sa vie littéraire. Représentez-vous une belle femme, admirablement proportionnée, sur le visage de laquelle on voyait également fondu la beauté, la noblesse et ce joli si piquant des Françaises qui tempèrent la majesté, ayant une blancheur animée plutôt que des couleurs, des cheveux fins, cendrés et soyeux, les sourcils arqués, fournis et paraissant noirs, un bel œil bleu, qui, voilé par de longs cils, lui donnait cet air angélique et modeste, le plus grand charme de la beauté, un son de voix timide, pure, sonore, allant à l'âme, la démarche voluptueuse et décente, la main douce sans être potelée, le bras parfait et le pied le plus délicat qui jamais ait porté une jolie femme. Elle se mettait avec un goût exquis. Il semblait qu'elle donnât à la parure la plus simple ce charme vainqueur de la ceinture de Vénus auquel on ne pouvait résister. Un ton affable, engageant, était le plus doux de ses charmes. Il la faisait chérir quand la différence de sexe ne forçait pas à l'adorer. Telle était Madame Parangon, mariée depuis peu de temps, et dont l'époux paraissait peu digne d'une si aimable compagne. Dans les premiers temps de son apprentissage, Nicolas, se trouvant seul un dimanche à garder l'atelier, avait entendu des cris de femmes qui partaient du cabinet de M. Parangon. Il s'y précipita et vit Tiennette, la servante, aux genoux du patron, qu'elle suppliait d'épargner son honneur. « Vous êtes bien hardi, cria ce dernier, d'entrer où je suis. Retirez-vous » L'attitude de Nicolas fut assez résolue pour faire réfléchir le maître et pour donner à Tiennette le temps de s'enfuir. M. Parangon, un peu honteux au fond, chercha alors à donner le change aux soupçons trop fondés de son apprenti. Nicolas était à son travail quand on vint annoncer « Madame est revenue ». Il travaillait encore le nez dans la poussière à ramasser des lettres, des espaces et des cadres atteints. Il n'eut que le temps de faire sa toilette dans un seau et de descendre au rez-de-chaussée où se pressait la foule des ouvriers. Madame Parangon, qui faisait attention à tout le monde et avait un regard, un mot obligeant pour chacun, ne tarda pas à distinguer Nicolas. « C'est le nouvel élève, » dit-elle au prote. « Oui, madame, » répondit ce dernier, « il fera quelque chose. » « Mais on ne le voit pas, » dit Madame Parangon, pendant que le jeune homme, après son salut, se perdait de nouveau à la foule. « Le mérite est modeste, » observa un des ouvriers avec quelque ironie. L'apprenti reparut en rougissant. « Monsieur Nicolas, » reprit Madame Parangon, « vous êtes le fils d'un ami de mon père. Méritez aussi d'être notre ami. » En ce moment, le sourire gracieux de la jeune femme vint rappeler à Nicolas un souvenir évanoui. Ces deux femmes, il l'avait vue autrefois, mais non pas telle qu'elle lui apparaissait maintenant. Son visage se trouvait à demi noyé dans une de ces impressions vagues de l'enfance, qui reviennent par instants comme le souvenir d'un rêve. « Et quoi ?» dit Madame Parangon. « Vous ne reconnaissez pas la petite Colette de Vermenton ?»« Colette, c'est toi ?»« C'est vous, madame ?» balbutia Nicolas. Les ouvriers retournaient à leurs travaux. Le jeune apprenti resta seul, rêvant à cette scène, résultat d'un hasard si simple. Cependant, la dame avait passé dans une arrière-salle où sa servante l'aidait à se débarrasser de ses vêtements de voyage. Elle en sortit quelques minutes après. « Tiennette m'a dit que vous étiez un garçon très honnête. » « Et très discret, » ajouta-t-elle, en faisant allusion sans doute à ce qui s'était passé dans le cabinet de M. Parangon. « Voici un objet qui vous sera utile dans vos travaux. » Et elle lui donna une montre d'argent. De ce moment, Nicolas fut très respecté dans l'atelier et dispensé des ouvrages les plus rebutants. Son goût pour l'étude, son éloignement des dissipations et de la débauche, où tombaient plusieurs de ses camarades, augmentèrent l'estime que faisait de lui Madame Parangon, qui aimait à s'entretenir avec le jeune apprenti. Il l'interrogeait souvent sur ses lectures. Les romans de Madame de Villedieu et même la princesse de Clèves ne lui paraissaient pas d'un enseignement bien solide. « Mais je lis aussi Terence, » dit Nicolas, « et même j'en ai commencé une traduction. »« Ah, lisez-moi cela, » dit Madame Parangon. Il alla chercher son cahier et lut une partie de l'Andrienne. Le feu qu'il mettait dans son débit, surtout dans les passages où Pamphile exprime son amour pour la belle esclave, donna l'idée à Madame Parangon de lui faire lire Zahir, qu'elle avait vu représenter à Paris. Elle suivait des yeux le texte et indiquait de temps en temps les intonations usitées par les acteurs de la comédie française. Mais bientôt elle se prit à préférer tout à fait le débit naturel et simple du jeune homme. Elle avait appuyé son bras sur le dossier de la chaise où il était assis, et ce bras, dont il sentait la douce chaleur sur son épaule, communiquait à sa voix le timbre sonore et tremblotant de l'émotion. Une visite vient interrompre cette situation que Nicolas prolongeait avec délice. C'était Madame Minon la procureuse, parente de Madame Parangon. « Je suis encore tout attendri, » dit cette dernière. « Monsieur Nicolas me lisait Zahir. »« Il lit donc bien ?»« Avec âme. »« Oh, tant mieux !» s'écria Madame Minon, en battant des mains. « Il vous lira La Pucelle, qui est aussi de Monsieur de Voltaire. Ce sera bien amusant. » Nicolas, dans son ignorance, et Madame Parangon, dans son ingénuité, s'associèrent à ce projet, qui du reste ne se réalisa pas. Il suffit à la dame d'ouvrir le livre pour en apprécier la trop grande légèreté. Cependant, la moralité de Nicolas ne devait pas tarder à recevoir une atteinte plus grave. Il se trouvait seul un soir dans la salle du rez-de-chaussée, quand il vit entrer furtivement un homme aux habits en désordre, ou plutôt à moitié vêtu, qu'il reconnut pour un des cordeliers dont le couvent était voisin de l'imprimerie. Ce personnage, qui se nommait Godet d'Arras, lui dit qu'il était poursuivi, qu'on l'avait attiré dans un piège, et que de plus il ne pouvait rentrer au couvent par la porte ordinaire, attendu qu'on lui demanderait ce qu'il avait fait de sa robe. Une porte de l'imprimerie communiquait avec la cour du couvent. C'était le moyen d'éviter tout scandale. Nicolas consentit à sauver ce pauvre moine dont l'escapade demeura inconnue. Quelques jours après, le cordelier repassa, vêtu de sa robe cette fois, et invita Nicolas à venir déjeuner dans sa cellule. Il lui avoua dans les moments d'épanchement qu'amenèrent les suites d'un excellent repas, accompagné de vins exquis, que la vie religieuse lui était à charge depuis longtemps, d'autant qu'elle n'était pas pour lui le résultat d'un choix, mais d'une exigence de sa famille. Il était du reste en mesure de faire casser ses vœux, ce qui pouvait servir d'excuse à la légèreté de sa conduite. Il y avait naturellement dans l'âme indépendante de Nicolas une profonde antipathie pour ces institutions féodales, survivant encore dans la société tolérante du XVIIIe siècle, qui contraignait une partie des enfants des grandes familles à prononcer sans vocation des vœux austères qu'on leur permettait aisément d'enfreindre, à condition d'éviter le scandale. Nicolas ne s'était pas senti au premier abord beaucoup de sympathie pour ce moine qui avait oublié sa robe dans les blés. Mais l'idée que Godet d'Arras ne faisait qu'anticiper sur l'époque future de sa liberté le rendait relativement excusable. Il s'établit donc une liaison assez suivie entre Nicolas et le cordelier. Si l'on a jusqu'ici apprécié favorablement les actions du premier, on pourra reconnaître encore en lui un cœur honnête, emporté seulement par des rêveries exaltées. Quant à l'autre, c'était déjà un esprit tout en proie au matérialisme de l'époque. Sa mère lui faisait une forte pension qui lui permettait d'inviter souvent à dîner les autres moines dans sa cellule, fort gai et donnant sur le jardin. Nicolas fut quelquefois de ces parties où l'on buvait largement, où l'on émettait des doctrines plus philosophiques que religieuses. L'influence de ces idées détermina plus tard les tendances de l'écrivain. Lui-même en fait souvent l'aveu. Cette intimité dangereuse amena naturellement des confidences. Le cordelier daigna s'intéresser aux premières amours du jeune homme, tout en souriant parfois de son ingénuité. En principe, lui dit-il, il faut éviter tout attachement romanesque. L'unique moyen de ne pas être subjugué par les femmes, c'est de les rendre indépendantes de vous. Il est bon ensuite de les traiter durement. Elles vous en aiment davantage. Je me suis aperçu de votre attachement pour Madame Parangon. Prenez garde à l'adoration dont vous l'entourez. Vous êtes la souris avec laquelle elle joue, l'humble serviteur qu'elle veut conserver le plus longtemps possible dans cette position. C'est à vous de prendre le beau rôle en ôtant à la belle dame la gloire qu'elle acquerrait en vous résistant. Nicolas ne comprenait pas une doctrine aussi hardie. Il souffrait même de voir son ami profaner le sentiment pur qu'il attachait à sa patronne. « Que voulez-vous dire ? » observa-t-il enfin. « Je dis qu'il faut cesser de manger votre pain à la fumée. Osez vous déclarer et menez vivement les choses, ou bien occupez-vous d'une autre femme. Celle-ci viendra à vous d'elle-même, et vous aurez à la fois deux triomphes. » « Non, dit Nicolas, je n'agirai pas ainsi. Je reconnais bien là, reprit Godet d'Arras, l'amant respectueux de Jeannette Rousseau. » Nicolas se promit de ne plus revoir le cordelier, mais déjà le poison était dans son cœur. Cette existence si douce, cette passion toute chrétienne, qu'il n'aurait jamais avouée, et qui n'avait d'autre but que la pure union des âmes, cette image si chaste et si noble qu'elle ne repoussait pas même dans son cœur celle de Jeannette Rousseau, et s'en faisait accompagner comme une sœur chérie, toutes ces charmantes sensations d'un esprit de poète auquel suffisait le rêve. Il allait désormais les échanger contre les ardeurs d'une passion toute matérielle. Plein des idées nouvelles qu'il avait puisées dans ses lectures philosophiques, il ne lui servait plus à rien de fuir les conseils de Godet d'Arras. La solitude retentissait pour lui de ces voix railleuses et mélancoliques qui venaient des muses latines et qui reproduisaient les sophismes qu'il venait d'entendre. Une femme est comme une ombre, suivez-la, elle fuit, fuyez-la, elle suit. Le cordelier n'avait pas dit autre chose. Il voulut entrer dans l'église, où retentissaient les chants de vêpres. Les cordeliers que Godet d'Arras avait traités le matin rendaient le plein chant avec une vigueur inaccoutumée. Nicolas reconnaissait les voix de ses compagnons de table, imprégnés des vins les plus généreux de la Bourgogne. Il entra dans le cimetière pour échapper à ce souvenir, et se prit machinalement à déchiffrer les plus vieilles inscriptions des tombes. L'une d'elles portait en lettres gothiques « Guillain 1534 ». En réfléchissant aux deux siècles qui avaient séparé la mort d'un inconnu de l'époque de sa propre naissance, Nicolas crut sentir le néant de la mort et de la vie, et céda à cette voluptueuse tristesse que les Romains se plaisaient à exciter dans leurs festins. Il s'écria comme Trimalcion, « Puisque la vie est si courte, il faut se hâter ». En rentrant à l'imprimerie, il prit un livre pour changer le cours de ses idées. Mais peu de temps après, il vit revenir Madame Parangon qui sortait de chez la procureuse où elle avait dîné. Elle était chaussée en mule à languette, bordure et talon vert, attachée par une rosette en brillant. Ses mules étaient neuves et la gênaient probablement, et comme Tiennette n'était pas rentrée, elle pria Nicolas de débarrasser un petit fauteuil cramoisi, afin qu'elle pût s'asseoir. Nicolas, la voyant assise, se précipita à ses pieds et lui ôta ses mules sans les déboucler. La dame ne fit que sourire et dit « Au moins, donnez-m'en d'autres ». Nicolas se hâta d'en aller chercher, mais Madame Parangon avait à son retour caché ses pieds sous sa robe et voulut alors se chausser elle-même. « Que laissez-vous là ? » dit-elle. « Le cid, madame, » dit Nicolas, et il ajouta « Ah, que Chimène fut malheureuse, mais qu'elle était aimable !» Oui, elle se trouvait dans une cruelle opposition. Oh, bien cruelle ! Je crois en vérité que ces positions-là augmentent l'amour. Bien sûrement, madame, elle l'augmente à un point. Et comment le savez-vous à votre âge ? Nicolas fut embarrassé, il rougit. Un moment après, il osa dire « Je le sais aussi bien que Rodrigue ». Madame Parangon se leva avec un éclat de rire et elle reprit d'un ton plus sérieux « Je vous souhaite les vertus de Rodrigue et surtout son bonheur ». Nicolas sentit à travers l'ironie bienveillante qui termina cette conversation qu'il avait été un peu loin. Madame Parangon s'était retirée, mais ses mules aux boucles étincelantes étaient restées près du fauteuil. Nicolas les saisit avec une sorte d'exaltation, en admira la forme et osa écrire en petits caractères, dans l'intérieur de l'un de ces charmants objets, « Je vous adore ». Puis, comme Tiennette rentrait, il lui dit de les reporter.